بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa ktafa. Amma ba'da fi inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أما بعد. Donc inshallah on poursuit la suite de ce chapitre là, en commençant par cela بإذن الله عز وجل, par une petite révision et un petit récapitulatif de ce qui a pu être dit hier. On a pu évoquer hier à travers la parole de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala des mesaïdes qui étaient importantes, dans lesquelles la majorité des savants sont sur cette opinion là, une opinion qu'on a pu voir comme hier qui est faible. Al-Khulasa, pour faire un résumé de ce qui a été dit, c'est que ceux qui doivent rattraper les jours qu'ils ont loupés pendant les journées de Ramadan, ils se divisent en deux catégories. Une catégorie de personnes qui ont une excuse pour cela, comme c'est le cas des femmes qui ont leur logis, leur menstrue, celui qui est en safar, en voyage, celui qui est malade. Ces personnes-là, ils ont une excuse valable, dans le kitab de la sunna, de ne pas jeûner à ce moment-là. Certains d'entre eux, c'est wajib alayhim de ne pas jeûner, comme c'est le cas des nufasa, et des kadalika, des femmes qui ont leur menstrue, des hiyad. Pour eux, c'est wajib alayhim de ne pas jeûner à ce moment-là, au moment où ils ont leur découlé de sang. Quant au musafir, c'est mustahab lahu, si jamais il a la capacité de jeûner. S'il ne peut pas voyager, et bien c'est mieux pour lui qu'il ne jeûne pas. Et quand le cas, al-mariyad, c'est mustahab jiddan alayhi, si jamais, même on ne peut pas peut-être juger que c'est wajib alayhi. Ceux qui sont malades et qui ça va aboutir à ce qu'il soit gravement malade ou ça va ajouter dans sa maladie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne jetez pas vos propres personnes dans la perdition. Donc ces personnes-là, ils ont une excuse dans le kitab de la sunna de ne pas jeûner. Lakin, ils doivent rattraper les jours qu'ils ont loupés dans d'autres jours de Ramadan. Et une autre partie des gens qui n'ont pas d'excuse, ceux qui ont rompu le jeûne de Ramadan sans excuse valable. Ces personnes-là, l'avis qui est plus juste, c'est que ces personnes-là, ils ne doivent pas le rattraper. Car ils ont commis un péché, et ils ont rompu leur jeûne dans une ibad, dans une adoration, dont ils ne peuvent plus revenir en arrière, et qui est limité à un temps qui est bien précis. Donc ces personnes-là, ils ne peuvent pas le rattraper. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et ceux qui voient cet avis-là, ils voient qu'ils doivent rattraper. Pourquoi? Ils disent que, car le fait de jeûner, c'est une obligation. Et cette obligation-là, sa conscience ne peut être libérée que lorsqu'après qu'il a accompli cette chose-là qu'il est obligatoire. On a pu voir que cette qa'ida, c'est une qa'ida qui est sahiha, qui est juste, lakin elle est restreinte. Le fait de dire que ta conscience sera libre qu'après que tu auras accompli ce qu'on t'a ordonné. Ça, c'est si jamais l'adoration, elle n'est pas limitée. Si l'adoration, elle n'est pas limitée à un temps bien précis. Comme c'est le cas du hajj. Le hajj, c'est pas limité à un temps bien précis. Tu as toute ta vie pour le faire, lakin c'est mieux de n'en pressez pas. Lakin, al-siyam, il est limité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta يتحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. À partir du moment du Fajr jusqu'à le coucher du soleil. Donc ce temps, il est limité. Ce siyam, il est limité. Donc la chose qui est liée à ta conscience, tu dois l'appliquer, mais dans le temps qu'il est légiféré pour cela. Si le temps y sort, tu peux revenir en arrière. Qu'est-ce que tu peux faire pour cela? C'est que tu te repens à Allah Azza wa Jal, de repentir et de faire beaucoup de nawafil, d'actes surrogatoires dans le siyam, afin de combler ton manquement, comme on a pu le voir à travers du hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué et a informé que les nawafil, les actes surrogatoires, elles avaient la capacité de combler les manquements et les négligences dans les obligations. Donc voilà ce qui incombe à la personne qui a rompu le jeûne de Ramadan sans excuse valable. Deux catégories. Une catégorie qui peuvent rattraper cela, parce qu'ils sont excusés, ils ont une dérogation qui est légiférée pour cela, et d'autres qui ne peuvent pas, parce que le temps est imparti. Et ceux qui prétendent que tu peux rattraper alors que tu as rompu le jeûne pour aucune excuse, c'est comme s'ils prétendaient que siyam, les horaires qui ont été prescrits pour cela, elles n'ont pas de sagesse. Allah Azza wa Jalla l'a dit, du fajr jusqu'au coucher du soleil, et maintenant nous on vient pendant le mois de Ramadan, et nous on prétend qu'il peut rattraper ce jour-là qu'il a loupé volontairement dans un autre jour. Donc à quoi bon légiférer ce siyam pendant Ramadan? Autant légiférer alors ce siyam-là toute l'année. Donc siyam dans Ramadan, il a été légiféré pour une raison bien précise, une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait et le veut. Donc si jamais ce mois il s'achève, tu ne peux pas rattraper. Parce que le mois il est achevé et tu ne pourras pas rattraper. Ça c'est la vie qui est sahih. Ça c'est la vie qui est sahih. Et la qaïda qu'ils ont prise, elle est restreinte aux obligations qui n'ont pas de temps limité. Il nous avait dit qu'à les cas, ceux qui doivent rattraper, c'est-à-dire ceux qui ont des excuses quand même, selon la vie qui est le plus juste, ils doivent s'empresser pour cela. Car on a pu voir que la mort, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle vient. Et le fait de retarder une chose, tu exposes à ta personne à ne pas accomplir cette obligation-là. Et Kazalika, elle est recommandée de faire quoi? De faire suivre. De faire suivre de manière consécutive. Lakin, il y en a ce qui est mieux, c'est lorsque tu finis Ramadan, si jamais il y a des jours à rattraper, c'est que tu laisses, que tu jeûnes les 6 jours de Shawwal, et ensuite tu fais celui dans Ramadan, c'est mieux. Car Yanni, un Nabi sur Salim, il a dit, Man sama Ramadan, summa atba'u, sittan min Shawwal. Donc le Nabi sur Salim, il a fortement recommandé de les faire suivre derrière. Le faire suivre derrière. Même si jamais tu peux les faire dans les derniers mois de Shawwal, là, Kim, c'est mieux par rapport au texte. Fais précéder ces 6 jours de Shawwal, et ensuite, jeûne tes obligations. Ça, c'est mieux. Là, on parle par rapport au fait que c'est mieux. Mais si tu fais précéder tes jours que tu as à rattraper, à ces 6 jours de Shawwal, c'est tout à fait cadarica possible. Ensuite, Yanni, il a évoqué un sujet qui était que si jamais les personnes qu'ils ont à rattraper des jours pendant qu'ils ont loupé pendant Ramadan, Cheikh nous a évoqué que si jamais il a Yanni, là pour cela jusqu'à l'autre Ramadan prochain. Il a jusqu'à là, jusqu'à l'autre Ramadan prochain, un an pour rattraper cela. Si jamais il le fait pas que l'autre Ramadan y vient, ils ont évoqué certaines choses donc dont la vie n'est pas juste. Là qui nous sahih, comme on a pu le voir, c'est que à Ramadan, ou plutôt le fait de rattraper ces jours que tu dois rattraper en dehors de Ramadan, tu as toute ta vie pour faire cela. Car Allah Azza wa Jalla dit quoi? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Il doit le rattraper dans d'autres jours. Il n'a pas limité ces jours-là, à un mois bien précis, à une année bien précise. Il doit rattraper cela. Donc le fait qu'il a globalisé, comment on peut restreindre une chose? Certes, ils ont évoqué pour cela le athar de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, dans lequel il est spécifié que Aïcha, ça lui arrivait de retarder les jours à rattraper jusqu'à ce qu'il manquait, jusqu'à ce qu'elle rentrait dans le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui est avant Ramadan. Et nous disent que ça nous prouve que si elle avait vraiment la volonté de vouloir rattraper ces jours-là avant que vienne Ramadan, que le temps qui est imparti pour rattraper les jours que tu as loupés pendant le mois Ramadan passé, c'est jusqu'à ce que l'autre Ramadan y vient. Si jamais tu dépasses cela, ils voient que c'est pas son temps, il se limite à cela. Mais il y a une petite contradiction dans leur compréhension, car ils voient que même si jamais après cela, le mois de Ramadan il vient, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Et après l'autre Ramadan qui est passé, tu dois rattraper ce jour-là. Donc si jamais vraiment, ça revient un peu encore à la même, au premier sujet. Si jamais ils ont limité cette adoration-là, c'est-à-dire de rattraper tes jours que tu dois, qu'elle t'avait loupé, s'ils l'ont limité à une année, jusqu'à ce que, avant que l'autre Ramadan y vienne, donc si jamais le Ramadan y vient, on peut comprendre que là c'est la fin du temps qui est légiféré pour pouvoir rattraper. Donc si la fin elle est venue, comment on peut dire qu'après l'autre Ramadan, tu as encore la possibilité de rattraper les jours de Ramadan de 2 ans passés? C'est pas possible. C'est contradictoire. Vous avez limité un temps, donc à quoi bon limiter le temps? Ça sert à rien. Parce que vous êtes d'accord que si jamais, après Ramadan, ce Ramadan qui est venu là, l'année après, si jamais il n'a pas rattrapé, il rattrape après ce Ramadan. Après, il y en a un an. Donc, c'est un peu bizarre. On limite, laquelle tu peux dépasser cette limite. Si jamais il y a une limite, c'est qu'il y a une hikmah, il y a une sagesse pour cela. Donc, pourquoi limiter pour ensuite autoriser de pouvoir rattraper après cette limite-là? Il y a une compréhension qui est pas comprise, qui est pas comprise. C'est pour ça que Allah Alam, il n'a pas rattrapé. Je veux dire que le temps n'est pas limité, il est limité jusqu'à ce que tu meurs. Ça c'est ma'rouf, ça s'appelle des ibadas qui n'ont pas de temps limité. Ghayr muhaddada. Ensuite ils ont fait une différence. Ils ont fait une différence entre le fait que tu as retardé avec une excuse ou pas. Si jamais tu l'as retardé pour une excuse, ils disent il y en a que tu dois juste quoi tu dois juste déjeuner, plutôt rattraper ces jours-là. Et si jamais tu l'as fait sans excuse, jusqu'à ce que l'autre mois de Ramadan y vient, ils disent qu'en plus de cela, tu dois quoi? Nourrir des pauvres. Et ça, quand quelqu'un a pu le voir, il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Car là, il dit, fa'iddatum min ayyami ukhar. Il n'a pas ajouté qu'il fallait nourrir des pauvres. Il n'y a pas de dalil par rapport à cela. Ensuite, on a pu voir que la personne qui meurt et qui a des jeunes, ses proches, ils doivent jeûner pour lui. On a vu que ça, c'était recommandé. Ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Pourquoi? Parce que si jamais on juge que c'est recommandé plutôt que c'est une obligation, cela veut dire que on est en train de juger qu'une autre personne peut porter le fléau d'une autre personne. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ مِزَا أُخْرَى. Et on ne fera pas porter la charge d'une âme à une autre âme. Donc si jamais on dit que c'est une obligation pour lui, c'est-à-dire que s'il délaisse, il aura un péché. Donc en gros on fait on afflige et on charge un péché à une autre âme. On charge le péché d'une âme à une autre âme. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a bien indiqué l'inverse. Donc ça nous montre que c'est recommandé. C'est recommandé car Nabi Sallam, il a demandé cela. Il a dit Man mata wa ala siyam fa sam'anhu waliyuhu. Celui qui est mort et qui avait rattrapé un jour de jeûne, ses proches doivent le rattraper. C'est recommandé pour eux. C'est recommandé pour eux, comme on a pu le voir. Les proches, ça rentre dedans qui? Les héritiers, ça rentre dedans. Les voisins, ça rentre dedans. Toutes les personnes qui sont proches. Le fait de dire que ceux qui doivent, à qui est recommandé de rattraper les jours pour cette personne qui est morte, comme c'est le cas de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, que ce sont les héritiers, ça, kala les cas, c'est le fait de restreindre une globalité sans preuve. Parce que Nabi Sallam, il a dit, sam'anhu waliyuhu. Et dans la langue arabe, al-wali, c'est celui qui est qarib, comme on a pu le voir. Avec la parole d'Allah Azza wa Jal, Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des gens qui ont cru. Et l'allié, al-wali, c'est ma'ruf, c'est celui qui est qarib, fi loi al-arabiya. Fait l'état de cas, le Nabi sallam l'avait dit à celui, ou plutôt au jeune enfant, de manger devant lui. Faqala kul mimma yalik. Mange, yani devant toi. Mange devant toi. Yani ce qui est proche de toi. Donc al-wali, ça vient de wala. Et wala, c'est quoi? Ça importe le sens de la proximité. Ça porte le sens de la proximité. Donc, c'est global dans tout ce qui est toutes les personnes qui lui sont proches. Donc, le fait de dire que les proches ici, ce qui est voulu, c'est les héritiers, c'est en train de restreindre un sens qui est global sans dalil. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Car, comme c'est ma'rouf dans la science de Usul al-Fiqh, les jugements, les fondements de la jurisprudence, tu ne peux que restreindre un texte coranique ou bien de la sunna que par un dalil de le kitab ou bien de la sunna. Et là, ce n'est pas le cas ici. Donc tu laisses le texte comme il est, c'est-à-dire waliyu, le terme tu le laisses global comme il est. Toutes les personnes qui sont proches, que ce soit l'héritier, que ce soit les voisins, que ce soit ses amis, que ce soit ses enfants, même, que ce soit ses oncles, ses ilakhiri, toute personne qui est proche de lui, et ça c'est l'avis qui est juste, et c'est une qa'ida, ou plutôt une règle qui a été évoquée par Al-Allama نعم أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع. Donc il a évoqué que lorsque le sens il est large, même le terme est large, il porte beaucoup, plusieurs sens, tu dois le comprendre dans tous les sens qu'il englobe. Tu dois le comprendre dans tous les sens qu'il englobe. Donc ni le wali, c'est qui ? C'est celui qui est proche, que ce soit l'héritier ou autre. Donc il doit jeûner, ou plutôt c'est recommandé pour lui de jeûner. On a pu voir Kadalika que c'est possible qu'il y a une entraide dans cela. Si la personne avait plusieurs jours à jeûner, on va dire une vingtaine de jours, si 20 personnes parmi ses proches jeûnent chacun un jour, même s'ils le font dans le même jour, et bien ça c'est Kadalika, c'est possible de faire cela. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le fait de rattraper le jeûne pour une autre personne à la personne qui quoi qui règle une dette, à une personne qui règle une dette. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضية. Vois-tu si jamais ta mère aurait une dette après qu'elle a dit, ma mère a jeûné un jour, elle est morte, elle n'a pas jeûné ce jour, est-ce que je dois jeûner pour elle? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, vois-tu si jamais ta mère avait une dette, est-ce que tu l'aurais réglé pour elle? Elle a dit oui. Elle a dit, et Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, فَإِنَّ دَيْنَ اللَّهِ حَقُّ بِالْقَضَى. Les dettes que les gens ont vers Allah azawajal, ils sont plus en droit d'être réglés. Donc il a comparé le fait de rattraper le jeûne pour une personne qui n'avait pas jeûné à une dette que tu règles pour lui. Donc c'est ma'rouf, une personne qui a une dette, si jamais tu veux, ou il y en a plusieurs personnes, ils peuvent s'entraider par rapport à cela. Il avait 20, on va dire 20 euros, chacun a 1 euro, et ils ont réglé la dette. Donc c'est la même chose là pour Siyam, parce que il a comparé cela à la dette. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de faire cela. Et Kadalika, ils peuvent le jeûner de manière séparée. Lakin, si jamais c'était un jeûne, Mathalan, que c'était obligé qu'il le jeûne de manière consécutive, il faut qu'il le jeûne Kadalika de manière consécutive. Il faut qu'il le jeûne Kadalika de manière consécutive. Comme c'est le cas de celui, Mathalan, qui a consommé les rapports pendant la journée de Ramadan et il n'avait pas les moyens d'affranchir un esclave. Donc il lui a demandé de jeûner 2 mois consécutifs. Il est mort, il avait la capacité de jeûner ces 2 mois consécutifs et il ne l'a pas fait. Donc ceux qui sont proches, s'ils veulent jeûner pour lui, ils doivent le faire de manière consécutive. S'ils font pour cela, chacun y fait un jour de manière consécutive, c'est possible. C'est possible. Lakin, il faut que ça, il n'y a pas d'interruption. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Il a 30 jours, on va dire, et il a combien? 60 jours à jeûner. Il a 60 jours à jeûner. Chacun jeûne un jour, ça suffit. Chacun jeûne un jour et ça suffit, Inch'Allah. Ensuite, il nous a évoqué, Shir, que la personne qui avait la capacité de rattraper ce jour qu'il avait rattrapé puis il est mort, il y a plusieurs catégories. Si jamais il avait la volonté de pouvoir de les rattraper, tu ne dois pas jeûner pour lui. Et ça, c'est Bilijmer. Parce que sa volonté est telle à l'acte. Et Nabi Sallam dit, Naham, innama al-a'mal bin niyyat. Les œuvres selon leur intention. Il est venu un hadith dans lequel Nabi Sallam il a appuyé cela, que la grande volonté, elle est telle à l'action. Pour la personne qui a vu une autre personne dépenser dans le bien. Il a dit, si jamais seulement j'avais de l'argent, comme cette personne-là, j'aurais fait comme il a fait. Et Nabi Sallam il a dit, yani, il aura la même récompense pour cela, parce qu'il avait vraiment une volonté. C'est juste qu'est-ce qui l'a empêché de faire cela? C'est qu'il n'avait pas l'argent pour cela. Et qu'est-ce qu'il y a pour celui qui a vu une chose dans le haram et il a dit vraiment, si jamais j'avais la capacité de le faire, je l'aurais fait. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont le même, la personne qui faisait ces choses-là et celui qui avait la volonté de le faire mais n'avait pas la possibilité, il a le même péché qu'est-ce qu'il y a. Il sera compté par rapport à ça, son intention. Donc l'intention, lorsque la volonté, elle est fermement mise, et il y a une chose qui l'a empêché de faire cela, c'est compter comme si jamais tu l'avais fait. C'est compter comme si jamais tu l'avais fait. Un masulé qui avait la capacité de pouvoir rattraper et il ne l'a pas fait, lui, tu dois jeûner. C'est recommandé pour lui de jeûner. C'est recommandé pour cette personne-là de jeûner. Et la vie qui dit que tu dois donner, tu dois nourrir pour chaque pauvre, chaque jour, il y en a un pauvre, cet avis-là, il n'est pas sahih. En gros, ils ont fait une différence. Celui qui est mort avant Ramadan ou pas? Celui qui est mort avant Ramadan, tu dois jeûner pour lui. Celui qui est mort après Ramadan, tu dois jeûner et donner une compensation, pour cela. Et non. Et il voit ça. Mais ça, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Ensuite, il a évoqué la parole d'Ibn Qayyim et de Cheikh al-Islam Taymiyyah pour renforcer ses arguments. Mais comme on a pu le voir, tout cela, ce sont des points de vue, même si jamais ils ont bien été argumentés, qu'ils n'ont pas de dalil. Ou plutôt le dalil qu'ils ont évoqué, qu'ils ont dit que ça a été évoqué dans un contexte dans lequel cette personne-là, elle a demandé sur un jeûne que la personne a fait par rapport à un vœu. Si jamais c'est un vœu, non, tu jeûnes pour lui. Si jamais c'est pas un vœu, tu dois donner en compensation cela. Tu dois nourrir des pauvres chaque jour. Il n'y a rien qui prouve cela. Comme on a pu le voir, qui se rappelle de la règle, Inch'Allah, pour vous faire participer un petit peu. Qui a la réponse à cela? Lorsqu'ils ont dit que le jeûne qu'on doit rattraper pour la personne qui est morte, c'est juste le jeûne dans lequel il y a un vœu. Ils ont pris pour cela le hadith dont on vous a évoqué, dans la femme qui avait demandé que sa mère avait un jeûne à jeûner par rapport à un vœu. La cause ne prend pas, ne permet pas de restreindre l'âme. Comme on a pu le voir, même, qu'est-ce qui doit être pris en considération? C'est la globalité du texte et non pas la cause. Même. Comme ils disent, yani la ibarata bi khusus ou la ibara bi umum al-nadh la bi khusus al-sabab. Ce qui doit être pris en considération, c'est le terme même, qui est global et non pas la cause pourquoi ça a été fait. Même. Et je vous ai montré par rapport à cela un exemple. Donc, plutôt, qui se rappelle de l'exemple que j'avais donné par rapport à cela? J'avais cité un exemple qui appuie cette qaïda-là, que tu dois prendre en considération, de dire que ce qui est pris en considération, c'est la globalité du texte et non pas la cause. L'exemple de Ali. Ibn Abi Talib, lorsque le Nabi Sallam est venu pour les inciter à prier, et il a dit, nos âmes sont entre les mains d'Allah Azzawajal. S'il veut, il nous fait revivre, et s'il veut, il nous laisse dormir. Le Nabi Sallam, il a tapé sur sa cuisse à ce moment-là, et il a dit, Naham, wa kana al-insanu akthar shay'in jadala. Donc ceci nous prouve que cette qa'ida-là, al-ibara bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la globalité du texte et non pas la cause. La cause ne restreint pas la globalité du texte. Non, le verset-là a été descendu sur le Coran. Wa kana al-insanu akthar shay'in jadala. Mais le verset-là, il est évoqué sur qui? Sur Ali, radiallahu anhu. Inch'Allah, on abda الدرس إن شاء الله سبت لدان كوخ بإذن الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. يجي qu'est-ce que plutôt ce chapitre là il a été évoqué afin d'expliquer d'exposer ce qui incombe à la personne qui a rompu le jeûne pour la cause de vieillesse ou bien de maladie. On a pu le voir ça au début du cours, lakin cheikh il a ramené encore une fois cette mas'ala-là, ce sujet-là, dans lequel on a pu voir quand même, que celui qui est ajiz, qui est incapable de faire une adoration, cette adoration-là, elle n'y est pas incombée. Même. Sa conscience, elle est libérée, il n'a pas à faire cette chose-là, car Allah Azzawajal, même, il a avisé les ordres et les interdictions dans le kitab dans la sunna pour les personnes qui ont la capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une âme, une chose dont il n'a pas la capacité. Et là c'est ma'ruf, hatta avant de rentrer dans le texte, c'est ma'ruf dans le kutub de Qawaid al-Fiqhiyya, dans lesquels il est évoqué les règles relatives à la jurisprudence, que l'obligation elle est avisée aux personnes qui ont la capacité. Et ça c'est une règle qui est muttafaqun alayha. Les savants sont tous unanimes sur cela. Que l'obligation, elle est avisée à la personne qui est quoi? Dans la capacité. Si tu n'as pas la capacité, tu n'es pas avisé. Car ce dîn-là, il n'est pas venu pour mettre les gens dans la gêne. مَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ce dîn-là, il n'est pas venu pour mettre des gênes. Il n'est pas venu pour mettre des gênes. Et ça, c'est une qaïda qui est muttafaqun alayha. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah Azza wa Jal comme vous le pouvez. Laquelle on va lire, tamam. Ça c'est le résumé vraiment de la leçon. Celui qui n'a pas la capacité, il lui est rien demandé de faire. Tamam. Il intentionne tamam, le fait de faire cela, et son intention, Inch'Allah, elle sera transmise à Allah Azza wa Jal, comme quoi qu'il avait l'intention de faire, laquelle قدر ما شاء فعل إلا فلا كفاسيتي تمام إلى أن تصيام سلا إن شاء الله يكفي. قال رحمه الله تعالى وقال حفظه الله تعالى إن الله عز وجل سبحانه وتعالى أوجب الصوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار. إن جي شيخ حفظه الله تعالى كالله سبحانه وتعالى إلى أبليجي الصيام ومسلم de s'acquitter sur le moment, à partir du moment que le siam y vient, tamam, pour les personnes qui n'ont pas d'excuse pour cela. Une excuse qui est légiférée dans le kitab de la sunna, c'est-à-dire le voyage, la maladie, les menstrues et les lochis. Quel est le cas celui qui est majnoun, celui qui est possédé, celui qui est petit, qui ne distingue pas, qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Et qu'il y a des cas qui, avant cela, qui ne sait pas maïez, il n'a pas l'âge de la distinction, plutôt. Et autres, il y en a parmi les choses qui sont des excuses dans le din pour qu'il ne jeûne pas. Donc Allah Azza wa Jalla, il a ordonné cela. Et il a avisé cette obligation à toutes les personnes qui ont la capacité de jeûner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui a témoigne du mois de Ramadan, donc il doit le jeûner. Comme ça, on a pu le voir au début, c'est bilijma. Donc le jeûne, il incombe à la personne qui est résidente, qui est naam pubère, qui n'est pas possédée et qui ne fait pas partie des gens qui sont excusés. Et nous dit وَقَضَاءً فِي حَقِّ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّذِينَ يَسْتَطِيعُونَ الْقَضَاءَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ. Et dit كَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Il a obligé à une deuxième catégorie de jeûner, c'est ceux qui ont des excuses. Comme on a pu le voir, il y en a légiféré. Le voyage, les menstrues, les louchis et la maladie. Et il dit ces personnes-là, Kazaleka, l'obligation est à réaviser, lakin, après Ramadan, dans d'autres jours. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et pour ceux qui étaient malades, qui sont malades ou bien en voyage, et qu'ils ont rompu le jeûne, qu'ils n'ont pas jeûné, ils doivent le rattraper dans d'autres jours. Donc ces personnes-là, Kazaleka, ils doivent rattraper. T'as même l'obligation Kazaleka leur a avisé, lakin, pas comme à ceux qui sont résidents et en pleine santé, yani, pendant les jours de Ramadan, lakin après Ramadan. Et nous dit, وَهُنَكَ سِنْفٌ ثَالِثٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ الصِّيَامَ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً. Il nous dit, il y a une troisième catégorie de personnes qui ne peut jeûner ni pendant les jours de Ramadan et ni après. قال كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. Il dit comme c'est le cas de la personne, il y a des personnes qui sont âgées, dont s'il est jeune, ça va aboutir peut-être, il y en a qui meurent. Et la personne qui est malade, d'une maladie dont il n'espère pas le remède et la guérison. Il nous dit فهذا الصنف قد خفف الله عنه. فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكينة عن كل يوم نصف صاع من طعام. Il dit à ce genre de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé pour eux cette obligation en leur ordonnant, selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de donner en compensation de cela, de nourrir pour chaque jour qui ne jeûne pas, c'est-à-dire 30 jours ou 29, qui doivent donner la moitié d'un sa' pour tout jour qui n'ont pas donné à des miskines. Tamam. Comme on a pu le voir, Kazaleka, ça, c'est un avis qui n'est pas juste. Hein. Cette troisième catégorie-là, elle n'existe pas. Il n'y a que deux catégories à qui le siyam, il a été quoi? Il a été ordonné. À ceux qui ont la capacité de jeûner pendant les jours de Ramadan, et ceux qui n'ont pas la capacité, ou plutôt qui ont une excuse, à qui il est demandé de rattraper ce jour-là. Ah, mais la troisième catégorie qui est prétendue, c'est une catégorie qui n'existe pas. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». Allah Azza wa Jal, il dit, il ne charge pas, plutôt il est dit dans le verset, que Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une âme au-dessus de ses capacités. Et c'est ma'ruf, comme on a pu l'évoquer au début, que l'obligation, elle est avisée aux personnes qui ont la capacité. إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le selon vos capacités. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. مَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. On vous a pas donné, on vous a permis, on n'a pas légiféré ce dîn, il y en a pour que ce soit une gêne pour vous. Donc ces personnes-là qui n'ont pas la capacité, c'est ma'ruf bittifaq, que l'ordre c'est comme si jamais ils ne l'arrêtaient pas, avisés et adressés. Donc, ils ne doivent même pas le rattraper et ni kazalika le faire pendant les jours de Ramadan, car cela va aboutir à ce qu'ils mettent leur âme en péril. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la tunqu bi aydikum ila tahluka, et ne jetez pas vos âmes tamam dans la perdition. Cheikh, il va nous évoquer les preuves pour cela. Tamam, les preuves qu'il a vues pour cela. Cet avis qu'il a vu, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la capacité de jeûner, comme c'est le cas des personnes âgées, de ceux qui n'espèrent pas pouvoir être guéris, donc c'est une maladie qui est wasil, comme c'est le cas de certains diabétiques. Certains diabétiques, ils peuvent pas, ceux qui ont du diabète, certains, ils ont un degré dans le diabète qui font qu'ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent pas jeûner. Parce qu'ils doivent prendre des piqûres tout le temps et tout ça. Et ces piqûres-là sont nutritionnelles, donc ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas jeûner. Certains, ils peuvent. Si, des fois, ils jeûnent 3 jours par mois, lakin, certains d'autres, ils ne peuvent pas jeûner. Comme ces personnes-là, qui ont atteint un niveau dans le diabète qui est vraiment élevé, qui leur empêche de pouvoir jeûner. Ils voient que ces personnes-là, qui sont incapables de pouvoir jeûner, qu'ils doivent nourrir des pauvres pour cela, chaque jour un pauvre. Pour chaque jour loupé, un pauvre. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. L'avis qu'a pris Shir, c'est l'avis de la majorité des savants. Naham kadalika des imams, des 4 imams, excepté l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et parmi les d'autres ulama comme Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, ou Sheikh al-Albani, ou kadalika Ibn Baz al-Uthaymin, ou Sheikh Muqbal, rahmatullahi alayhim. Tous ces personnes-là, ils voient que la personne qui est incapable de jeûner, il doit pour cela nourrir des personnes. Il doit nourrir pour cela des personnes. Pour chaque jour loupé. Ils ont pris pour cela les preuves. Qulu subhanahu wa ta'ala qala qala Allahu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de ses capacités. Cette ayah-là, en vérité, c'est un argument contre eux. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de ses capacités, comment peut-on nous y aller juger qu'il y a une compensation sur une chose que Aslan, qu'il lui est même pas ordonné de faire? Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'adresse pas un ordre à une personne qui n'est pas dans la capacité de pouvoir accomplir l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné. Car Allah azza wa jal, il est hakim, il est sage. Comment il va ordonner une chose à une personne qui n'a pas la capacité? Car ça, c'est de charger à une âme une chose qu'elle n'a pas la capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc s'il n'a pas la capacité, c'est-à-dire que l'ordre, il ne lui est même pas avisé. Il ne lui est même pas avisé. Il y a une différence entre ne pas trouver le moyen de faire une chose et de ne pas avoir la capacité totale. Et cette ayah-là, elle est dans les personnes qui n'ont pas la capacité totale de faire une chose. Donc Yanni, c'est comme si l'ordre n'était pas avisé. Il n'était pas avisé. Donc une chose, c'est comme si jamais le siyam n'était pas ordonné pour ces personnes-là. Et c'est ma'rouf, ceux qui disent que tu dois nourrir un pauvre, même pour chaque jour que tu as loupé, c'est en compensation du jeûne. Nous, on leur dit, eux, aslan, à l'origine, ils n'ont pas jeûné. Donc, comment on peut prétendre qu'il y a une compensation face à une chose, il y en a qui est quoi? Qui est inexistante. Qui n'a pas d'existence. Qui n'a pas d'existence. Donc, ça, c'est un peu un argument qui est contre eux. Kadalika, ils ont pris comme preuve, comme l'a évoqué Cheikh, hafidhahullah ta'ala, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alladhina yutayquunahu fidyatun ta'amu miskin. Et ceux qui ont la capacité de jeûner, ils doivent donner en compensation de cela, nourrir un pauvre. Et ça, c'était, comme on a pu l'évoquer au début du cours, avant que le siyam de Ramadan y soit légiféré. Celui qui avait la capacité de jeûner, il avait le choix entre le fait de jeûner, ou bien de ne pas jeûner, mais il devait donner en compensation de cela, nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Et Allah il disait wa anta sumu khayrun lakum, que vous jeûnez, c'est mieux pour vous que de délaisser le siam, le jeûne, et de nourrir un pauvre. Ça, c'était avant que le mois de Ramadan soit légiféré. Puis lorsque Ramadan il est venu, ce choix-là de pouvoir jeûner ou pas, il a été quoi? Il a été totalement abrogé par la parole d'Allah Azza wa Jal, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Et celui qui a témoigné du mois de Ramadan, eh ben, il doit jeûner. Donc il n'a pas autre choix. Al-Imam Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, Il nous dit dans cette ayah, tu comprends que cet ordre-là, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُمْ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مُسْكِينٌ, que cette ayah-là, elle a été évoquée à qui ? Elle a été adressée aux personnes qui avaient la capacité. Car Allah dit, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُمْ, ceux qui ont la capacité de jeûner et qui ne jeûnent pas, eh bien ils doivent quoi ? À l'époque, ils doivent jeûner, ils devaient donner, nourrir un pauvre. Tamam ? Donc il nous dit, à l'époque, celui qui était résident et en bonne santé, il devait soit nourrir un pauvre, si jamais je n'ai pas, ou bien jeûner. Celui qui était en voyage ou qui était malade et qui n'avait pas la capacité, il n'avait pas à jeûner. Il n'avait pas à jeûner. Donc, le fait de dire maintenant que celui, yani Aslan, yani si on remonte un peu à l'époque, comment il jeûnait, celui qui n'avait pas la capacité, il devait ni jeûner et ni rien donner. Ça, c'était marrant parce qu'Allah, il dit, celui qui avait la capacité de jeûner et qui n'a pas fait, il doit nourrir en compensation de cela un pauvre. Tamam. Soit il jeûne, ou soit il ne jeûne pas. Mais si tu ne jeûnes pas, si jamais tu as la capacité de pouvoir jeûner, mais tu n'as pas envie. Lakin, tu dois nourrir pour cela en compensation un pauvre. Ça, c'était un texte qui était avisé à qui ? Ceux qui avaient la capacité de jeûner. Nous, on leur dit, là, cette ayah-là, vous l'avez pris pour déduire d'une chose que Aslan, ça ne rentre pas dedans. Parce que là, c'est pour ceux qui ont la capacité. Nous, on parle de la personne qui n'a pas la capacité de jeûner. Et c'était ma'ruf, comme l'a dit l'imam Ibn Arabi, qu'à l'époque, celui qui était en safar, ou bien celui qui était malade, celui qui n'avait pas la capacité, il ne devait pas jeûner. Il ne devait pas jeûner. Il n'avait pas le choix entre les deux, ceci, ça. Il ne jeûnait pas. Il ne jeûnait pas, et ni qu'à l'écart, il donnait une compensation de cela. Il nourrissait des pauvres pour cela. Donc ceci nous prouve que cette ayah qu'ils ont pris, elle n'est pas dans la déduction qu'il faut. Elle n'est pas dans la déduction qu'il faut. Donc cette ayah-là, dans le sens inverse de ce qu'elle indique, ça veut dire que ceux qui n'avaient pas la capacité, ils devaient ni jeûner, et ni qu'à nourrir des pauvres. Parce qu'Allah, il a mis ce jugement-là pour les personnes qui avaient la capacité. Ceux qui avaient la capacité de jeûner et qui ne le faisaient pas, ils devaient nourrir des pauvres. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه par rapport aux preuves qu'ils ont évoquées, قال هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري. Avant cela, ils ont pris كذلك la lecture d'Ibn Abbas, dans laquelle Ibn Abbas il a lu cette ayah, وعلى الذين يتقونه فدية للذي, la lecture, il a lu cette ayah d'une autre lecture qui est وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يطوقونه, c'est ceux à qui يعني leur était infliger une charge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité. Dans cette lecture-là d'Ibn Abbas, laquelle cette lecture-là, les ma'rouf, ce n'est pas une lecture qui est mutawatira, qui est répandue. C'est une lecture qui est propre à Ibn Abbas, c'est la lecture qui est propre à un sahabi, ce n'est pas une lecture du Coran. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de la prendre, cette lecture-là, et de la lire pendant tes prières. Celui qui lit, وَعَلَى الَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ, il n'a pas le droit, ça ne fait pas partie du Coran. C'est comme si jamais tu avais parlé pendant ta prière, donc ta prière, elle est quoi ? Elle est annulée. Parce que ça ne fait pas partie du Coran. Ça fait pas partie du Coran. Donc cette lecture-là, comme j'en dis, cette lecture-là, elle est chiave, elle n'est pas répandue. C'est une lecture propre qu'a Ibn Abbas, que lui-même il lisait de cette manière-là. Il nous dit, Ibn Abbas, dans sa lecture-là, que ce yani que Allah subhanahu wa ta'ala, il a adressé le fait de nourrir un pauvre pour les personnes qui n'avaient pas la capacité. Cette lecture-là, awalan, comme on a pu le voir, c'est une lecture qui est rejetée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas répandue. Deuxièmement, la compréhension, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit après, wa anta sumu khayrun lakum, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu, wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et il nous dit, selon la lecture d'Ibn Abbas, regardez le sens que ça donne. Et ceux à qui ils n'ont pas la capacité, même ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner, ils doivent nourrir pour cela un pauvre. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Comment, yani, si vous gênez, c'est mieux pour vous alors qu'il n'a pas la capacité de gêner. Il y a une contradiction. Ça nous prouve que sa lecture-là, awalan, elle n'est pas répandue. En plus, la compréhension, elle est fausse. Parce que la suite de la ayah, elle vient contredire totalement ce sens-là. Ceux qui n'ont pas la capacité de gêner, ils doivent nourrir en compensation de cela un pauvre. Et jeûner car c'est mieux pour vous. Comment ça, jeûner car c'est mieux pour vous alors que tu n'as pas la capacité. Tu ne veux pas jeûner. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et ça, c'est ma'rouf. Le dîn n'est pas venu pour mettre des gènes dans la religion. Donc, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'Allah, Azza wa Jal, là, il incite à des gènes. Et ce n'est pas possible, ça. Ma ja'alna alaykum fi dîn min haraj. On ne vous a pas mis dans votre dîn des gènes. On n'a pas légiféré ce dîn pour des gènes. Wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la darar wa la dirar. Ni tu te fais un mal à toi-même, et ni tu fais un mal à autre. Ni tu te fais Amal Tamam, mais il n'y a autre. Cette religion est une facilité. J'ai été envoyé par la religion de sincérité et de la facilité. Donc là, ça contredit tous ces textes-là sur lesquels elle est bâtie la religion, sur la simplicité et la facilité. Donc cette lecture-là, elle est vraiment rejetée. Et sa compréhension kadalika, même comme on va le voir, il y en a à travers la parole des ulama, ils nous disent que, même si jamais, hatta il y en a d'autres personnes, Ibn Abbas, kadalika Abu Harira, Qais ibn Sa'ib, Anas ibn Abbas, Abu Harira, Qais ibn Sa'ib, parmi les sahaba, ils voient la même parole que Ibn Abbas, celui qui n'a pas la capacité, il doit nourrir tous les jours, pour cela, un pauvre. Ils nous disent, il y en a même si jamais c'est la parole d'éminents compagnons, la preuve elle est dans l'union des compagnons et non pas dans l'effort de compréhension et d'interprétation de certains compagnons en dehors de l'unanimité et en dehors de l'union de chaque compagnon. Al-ijma' c'est la totalité des compagnons, la totalité des compagnons qui doivent être d'accord par rapport à cela. Si jamais une partie des compagnons ont une compréhension, on n'appelle pas ça une preuve. On n'appelle pas ça une preuve, laquelle c'est un opinion qu'ils ont eue. Et la preuve, elle est dans quoi? Dans le kitab, dans la sunna ou dans l'ijmer. Et là, ce n'est pas un ijmer. Donc, même si Ibn Abbas il a cette compréhension-là de dire que cette ayah-là, elle est pour la personne qui n'avait pas la capacité de gêner, il n'y a pas de preuve qui nous prouve cela, même si le hadith il est rapporté par le Bukhari, comme Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il l'a évoqué. قال والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكين كذلك celui qui est malade تمام il a d'une maladie dont il n'espère pas trouver le remède il doit كذلك il dit c'est le même jugement pour lui que la personne qui est âgée les deux sont incapables donc ils doivent nourrir par rapport à cela tous les jours un miskin comme on a pu le voir ça c'est un qiyas c'est le fait de joindre entre deux choses dont il n'y a pas un justificatif qui prouve cela, il n'y a rien qui nous prouve cela. Cet avis-là, il n'est pas juste, il n'y a rien qui nous prouve cela. Bien au contraire, c'est ayah-là, la ayah c'est un dalil contre eux. Il y a ceux qui ont la capacité de jeûner, de nourrir en compensation de cela s'ils n'ont pas jeûné, tous les jours, pour chaque jour. Qui n'ont pas jeûné, un pauvre. Donc ceci nous prouve que si jamais ils n'avaient pas la capacité de jeûner, ils ne vont pas jeûner. Parce que Allah il a dit, ceux qui avaient la capacité de jeûner, comme ceux qui avaient la capacité de jeûner. Donc comment ils ont pu déduire? Ils sont tous, on est tous d'accord que cette ayah déjà elle est abrogée. Donc si elle est abrogée, c'est ma'rouf. Le fait qu'une chose allait abolie dans l'islam ou bien elle est abrogée, ça veut dire que son jugement entier, il devient nul. Il est annulé. Ou bien une partie de son jugement. C'est-à-dire que si c'était une obligation, elle peut être abrogée au jugement de quoi? De la recommandation. Au jugement de la recommandation. Là, il n'y a aucune preuve qui nous prouve cela. Il n'y a aucune preuve qui nous prouve cela. Mais au contraire, il y en a ceux qui nous prouvent qu'il a été abrogé, c'est quoi? Qu'ils doivent jeûner. Ceux qui ont la capacité, ils doivent jeûner. Est-ce qu'il peut nourrir pour cela un pauvre? Non. Il doit jeûner. S'il ne peut pas jeûner, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire parce que tout le hukm, il a été abrogé. Tout le jugement de cette ayah-là, il a été abrogé par la parole d'Allah Azzawajal. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et celui qui a témoigné du mois de Ramadan, il doit le jeûner. Donc ce n'est pas possible. Une chose qui est abrogée, elle ne peut pas être remplacée par un autre jugement comme ça. Lorsque ça abroge, ça annule le jugement et non pas le remplace par un autre. À part c'est un dalil qui nous prouve cela. Donc, il y a déduction, on se demande d'où l'on prise. Il n'y a rien qui nous prouve cela à Beden. قال رحمه حفظه الله تعالى أما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله. Il dit quant à la personne, aux personnes qui ont rompu leur jeûne pour une raison valable et qui ne dure pas, comme c'est le cas du voyageur et celui qui est malade, d'une maladie dont il espère le remède et la guérison. قال والحامل والمرضع إذا خافته أعلى أنفسهما أو أعلى ولديهما. Il nous dit كذلك, ça rentre dans ces personnes-là qui sont excusées, celle qui est enceinte ou la personne qui allait. Même si ces deux personnes-là, ils ont peur que si jamais ils jeûnent, ça va nuire à leur personne ou bien nuire à leurs enfants, ils doivent rompre le jeûne. Ils doivent rompre le jeûne car le fait de préserver la vie d'un être humain, c'est wajib. Et là, pour eux, c'est ce qui est voulu, c'est que ils doivent préserver la vie de l'humain et préserver leur santé. Le dîn était venu pour préserver certaines choses. Et parmi ces choses-là, la santé de l'être humain. C'est pour ça que Nabi Sallam dit, la darar wa la dirar. Tu dois ni te faire du mal et ni faire du mal aux autres, ni nuire à toi même et ni aux autres. Car ce dîn-là, il est venu pour préserver l'être. Il est venu pour présenter et préserver l'être et sa santé. قال والحائض والنفساء نعم كذلك الحائض فالكسى المنصوري النفساء فالكسى الوشي قال فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء il dit à toutes ces personnes-là, ils doivent rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils ont une excuse. À partir du moment où tu as une excuse, نعم, tu dois rattraper, car Allah Azza wa Jalla l'a dit. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما إلى يوك الشيخ قال بأن يصوم أياما أخر أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها il dit, ils doivent rattraper le jour les jours plutôt qu'ils ont loupé dans d'autres jours de Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cela. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ceux qui étaient malades ou en voyage et qu'ils ont rompu leur jeûne, même ils doivent le rattraper. Ils doivent le rattraper. Et tout cela, on a pu le voir dans tout cela, c'est des choses qui sont muttafaqun alayha. Les ulama sont tous unis par rapport à cela. On a pu l'évoquer au début du cours. On a pu l'évoquer au début du cours. Et les dalils nous prouvent cela. Al-amal al-nufasa wal-ha'id, comme on a vu à travers la parole de Aïcha. Kunna nu'mar bi-qada al-siyam la bi-salah. On nous a ordonné de rattraper les jours de Ramadan et pas les prières lorsqu'il y avait les coulées de sang. Qala wa fitrul marid alladhi yadurru sawmuhu wal musafir alladhi yajuzu lahu qass as-salah sunnah. Il dit quant aux personnes, à ces personnes-là, il nous a dit celui qui est en voyage. Amma celui qui est en voyage, c'est pas obligé pour lui. Comme il a évoqué là. Amma les personnes qui craignent de mettre leur ville en péril, et celles qui sont kadalika nufasa, tamam, ceux qui ont des coulées de sang, c'est wajib alayhim, tamam, de rompre le jeûne. Et nous dit quant au musafir, ou bien celui, quant au musafir, c'est préférable pour lui, ou plutôt c'est une sunna, s'il veut, il délaisse le siyam, ou s'il veut, il jeûne. Tamam, c'est pas une obligation. Tamam, c'est pas une obligation qu'il jeûne pas. لكن si il veut il jeûne, c'est mieux pour lui si jamais il a la capacité pour cela. قال لقوله سبحانه وتعالى في حقهم في عدة من أيام أخر أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. Il dit que dans cette ayah là Allah Azza wa Jalla il a incité le voyageur à rompre le jeûne et à le rattraper. Là il n'y a rien qui prouve cela. Ce qui nous prouve cela c'est que si jamais il a rompu le jeûne, tamam, s'il a rompu le jeûne, lui nous dit cher que ce qui est compris dans la ayah qu'il doit le rattraper. Car Allah Azza wa Jal, il lui recommande de faire cela. Et de ne pas jeûner en temps, pendant le voyage. Alors que ce n'est pas vrai. Yani, ce qu'ils disent les savants, ils disent, yani, par rapport à la compréhension de la ayah, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ الْخَرْ Et si jamais il a rompu le jeûne. Et comme on a pu le voir, النبي صلى الله عليه وسلم, ça lui arrivait de jeûner pendant les voyages. Ça lui arrivait de jeûner pendant les voyages. Quand il est venu dans le hadith, yani, الصحابة كانوا يصومون في السفر فليس المفطر يعير على الصائم وكذلك ليس الصائم يعير على المفطر. Les sahabes sont arrivés de jeûner pendant les voyages et aucun des voyageurs ou bien de celui qui était aucun des personnes qui ne jeûnaient pas ou de celui qui jeûnait, il a réprimandé à l'autre pourquoi tu as jeûné ou pourquoi pas tu as jeûné. Donc il y en a, c'est pas mustahab de rompre le jeûne, excepté si jamais la personne ressent une difficulté comme on a pu le voir. Qala وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut pour vous une facilité et non pas une difficulté. Il prend cette ayah pour un argument pour nous dire qu'il doit rompre le jeûne. Car c'est mieux pour lui parce qu'Allah Azza wa Jalla veut une facilité pour lui et non pas une difficulté. Lakin, comme on a pu le voir, Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ça lui arrivait de jeûner. Donc si jamais tu ressens une force et une capacité de pouvoir jeûner, comme c'est le cas aujourd'hui avec les moyens de transport qui sont une aisance dans lesquels tu ne ressens pas vraiment une difficulté. Si jamais tu jeûnes, tu jeûnes, tamam. Et c'est mieux pour toi de jeûner. وَنْتَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. قَالَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. Il nous dit كَذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ lorsqu'il était, il avait le choix entre deux choses, il prenait la plus facile. Si jamais tu vois que pour toi c'est plus facile de jeûner, tu jeûnes. Il n'y a pas de contradiction. Si jamais tu vois que pour toi c'est plus facile de ne pas jeûner, tu jeûnes. Tu jeûnes pas, je veux dire. Donc, tamam, on ne peut pas comprendre à travers ce texte-là qui c'est vraiment recommandé à la personne qui est en voyage de ne pas jeûner. Au contraire, la sunna pour lui, c'est de jeûner si jamais il a la force, et de ne pas jeûner s'il n'a pas la force. C'est ça. قال وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. On l'a pu l'évoquer, ce hadith là qui est muttafaq alayh. Il a été évoqué dans un contexte où c'était un sahabi qui avait jeûné, était tombé dans les pommes, tamam. Il était tombé et s'est évanoui. Tamam, il s'était évanoui. Et Nabi Sallam il a dit Majano. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils lui ont expliqué que cette personne-là était en train de jeûner. Il a dit Nabi Sallam, Laysa min al-bir as-siyam fi as-safar. Ça ne peut pas partir de la bonté de jeûner pendant le voyage pour la personne qui n'a pas la capacité et qui n'a pas la capacité physique pour cela. Donc pour lui c'est mieux, c'est la sunna pour lui, c'est quoi? C'est qu'il ne jeûne pas. Et non pas de manière générale de juger que celui qui jeûne pendant le voyage, que c'est pas, ça ne fait pas partie de la bonté. Car le prophète sallam il l'a déjà fait. Et s'il l'a fait, c'est que ça fait partie de la bonté. Car tout ce que fait Nabi sallam, c'est des actes qui sont des exemples. Comme a dit Nabi sallam, comme a dit Allah azza wa jalla, vous avez dans le prophète sallam un bon exemple et à suivre. قال وإن صام المسافر والمريض الذي يشق عليه الصوم صح صومه مع الكراهة. Il dit si ces deux personnes-là, le voyageur comme celui qui est malade, qui ressent lorsqu'il jeûne, il y a une difficulté, il dit que si il jeûne, son jeûne sera accepté مع الكراهة. La quien ça c'est pourquoi? Pour la personne qui est malade. Mais celui qui est musafir, s'il a la capacité de pouvoir jeûner comme on l'a pu l'évoquer, c'est pas détestable, lakin c'est recommandé pour lui qui jeûne. C'est recommandé plutôt pour lui qui jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Wallah subhanahu wa ta'ala yakul laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le prophète alayhi salatu wassalam un bon exemple à suivre. Amma al-marid, celui qui jeûne, et ça va être une difficulté pour lui, il va que s'ajouter de difficultés sur lui, et peut-être que sa maladie va amplifier. Naam, pour lui c'est détestable. Lakin est-ce qu'on dit que son jeûne il est il est invalide? Là, son jeûne il est valide, lakin ma'al karaha. Et comme nous l'a dit Ibn al-Arabi, ça c'est que les personnes qui sont jahil. C'est une personne qui est vraiment ignorante, qui peut faire que des choses là. Parce qu'il ignore qu'il est en train de se faire du mal. قال أما الحائض والنفاس فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. Il dit quant à ceux qui ont leur lochi ou bien qui ont leur menstrue, c'est haram alayhima. C'est interdit pour ces personnes-là de jeûner. Là, c'est pas détestable, lakin ça c'est interdit. Et s'ils jeûnent, leur jeûne, il sera quoi? Il sera pas accepté. Donc si jamais c'est interdit, c'est qu'ils font un péché. Ils ne doivent pas jeûner. Donc s'ils font cela, ils auront un péché. Ils auront un péché et leur jeûne, catholique, ne sera pas accepté, comme on a pu le voir. Ils sont tous unanimes par rapport à cela, les savants. Comme là, rapporté l'unanimité, l'imam al-Nawawi, ou Ibn Hazm, ou Ibn Qudama, ou Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et la preuve pour cela, la parole de Aïcha, radiallahu ta'ala, qui nous dit, on nous a ordonné de rattraper les jours de Siyam, et non la prière lorsqu'on avait l'orchie ou bien les monstres. قال والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى. Il nous dit à la personne qui allait, tamam, à la femme qui allait ou bien celle qui est enceinte, si jamais ils ont rompu leur jeûne, ils doivent le rattraper. C'est wajib عليهما. Car ceux-là, kadhalika, ils sont comme la personne qui est malade. Leur jugement est comme la personne qui est malade, qui ressent une difficulté si jamais il jeûne. Voilà. ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. Ça, kadhalika, c'est une chose qui a pas de dalil par rapport à cela. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela, que si jamais la personne qui a peur, pour la personne qui a peur que si jamais elle jeûne, son fils, il va mourir ou bien elle va mourir. Et ils nous disent que cette personne-là est semblable à la personne qui est la personne âgée. Donc c'est comme la personne âgée qui, s'il jeûne, il va mourir. Et ils nous disent, Yanni, c'est la même chose. Donc son jugement est tel que la personne âgée. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir pour cela des pauvres. À qui il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Ils doivent le rattraper lorsqu'ils ont la capacité. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى dans son kitab إعلام الواقعين. قال أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينة. Il nous dit, Cheikh plutôt l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Ibn Abbas et d'autres parmi les sahaba, ils ont donné une fatwa sur la femme qui est allaite ou bien celle qui est enceinte, si jamais ils ont peur de nuire à leur enfant, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en péril leur enfant si jamais ils jeûnent, qu'il incombe à ces personnes-là de rompre le jeûne et de donner en compensation de cela pour chaque jour loupé de nourrir un pauvre. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Et le fait que certains sahaba, même si jamais ils ont fait une fatwa sur cela, la fatwa d'un sahaba, ce n'est pas un dalil. La fatwa d'un sahaba, ce n'est pas une preuve. Ça peut être un effort de compréhension ou bien d'interprétation. Et la preuve, elle est dans l'union des sahaba et non pas dans l'individu. Ou plutôt dans certains individus. Donc là, il est en train de nous dire que pour ces personnes-là, ils doivent, pour chaque jour loupé, nourrir un pauvre et en plus rattraper. Si jamais en compensation, ça c'est une chose qui est un peu hadib. Comment ils doivent rattraper et en plus nourrir des pauvres? Si jamais pour eux, nourrir des pauvres, c'est une compensation quant au fait de ne pas avoir la capacité de jeûner. C'est-à-dire que ça prend la place du siyam. C'est-à-dire que lorsque tu nourris un pauvre, c'est comme si jamais tu avais jeûné. Donc si jamais c'est comme si tu avais jeûné, pourquoi on doit le fait que tu dois rattraper encore un jeûne? Tu dois rattraper encore un jeûne et toi tu l'as fait afin de ne pas mettre en péril ton enfant. Tu n'as pas fait cela pour une raison, pour une chose qui n'a pas de raison. Tu veux sauver ton enfant et en plus de cela, tu dois nourrir un pauvre et en plus rattraper. Deux fois plus que ça. Ça, c'est pas possible, ça. Comment on peut mettre deux charges sur une personne pour une chose qu'elle n'a pas faite? Ça, ça montre vraiment cette preuve-là, elle est distante. Dit Dan. قال ويجب الفطر على من يحتاج إليه لإنفاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. Nous dit كذلك que la personne qui a besoin de secourir sa personne, même venir à l'aide de sa personne, s'il voit qu'elle est en péril, comme c'est le cas de celui qui va se noyer, dit qu'il doit jeûner, qu'il doit plutôt y aller rompre le jeûne. قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أسباب الفطر أربعة: السفر، المرض، الحيض، والخوف من هلك من يخشى عليه الهلك بالصوم. Il dit, les causes qui te permettent de pouvoir rompre le jeûne sont au nombre de quatre, là il y en a plus. Il dit, awalan, c'est quoi? As-safar. Le voyage. La maladie, les monstrues, kadalika, les lochis, ça rentre dedans. Parce que les lochis, c'est quoi? C'est le sang des monstrues. La kin qui est après l'accouchement. Qala wal khawf min halaki man yukhsha alayhi la halak bisawm. Kadalika, celui qui a peur que si jamais il rompt pas le jeûne, il va mourir. Et quand il dit, comme c'est le cas de la personne, celle qui allaite et celle qui sont enceintes, et kadalika, celui qui va se noyer. Et kadalika, il y a d'autres causes. Celui qui est en djihad, celui qui est en djihad, kadalika, il lui est permis de rompre le jeûne. Celui qui est en djihad, il est kadalika, il est rempli de rompre le jeûne, car il y en a dans cela, il va prendre une force pour pouvoir combattre le adou. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, et préparez-leur à vos ennemis, il y en a tout ce que vous pouvez comme force. Et ça fait partie de la force, ou plutôt ça ne fait pas partie de la force, le fait de jeûner en plein djihad, car tu vas être faible. Tu vas être faible, tu as besoin de force, tu as besoin d'aller à droite, à gauche, tu as besoin de force. Donc le fait que tu jeûnes en plein djihad, c'est contraire à la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit que tu dois te préparer et préparer une force pour cela. Donc le fait de jeûner, tu lui prépares, c'est plutôt préparer une faiblesse. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika, et là, ça a été rapporté, comme l'a rapporté l'imam muslim, selon Abi Sa'id al-Khudari, radiyallahu anhu, annahu qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innakum qad danawtum min aduwikum, wal fitru aqwa lakum. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une expédition, vous êtes en train de vous rapprocher de votre ennemi, et rompre le jeûne, c'est mieux pour vous, car il y a une force dans cela. Vous allez prendre de la force. Et ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, thumma qala innakum musabbihu aduwikum. فَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا. Il nous dit, demain, au petit matin, on va attaquer notre ennemi. Il avait dit ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au petit matin, on va attaquer notre ennemi, et le fait que vous rompez le jeûne, c'est meilleur pour vous, donc rompez le jeûne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela, de rompre le jeûne, donc ça nous prouve que, kadalika dans le djihad, yani, c'est préférable. C'est préférable, car tu vas lui réserver à ton ennemi, par cela, une force. T'es plein pouvoir pour combattre ton ennemi. Donc, Kadalika, al-Jihad, c'est une cause parmi les causes qu'il faut rajouter à la parole d'Ibn al-Qayyim, qui te permet de pouvoir rompre le jeûne. Et Kadalika, il y en a les personnes qui sont, il y en a Rajiz, comme la personne qui est quoi? Les personnes âgées. Kadalika, ces personnes-là, c'est une cause qui leur permet de pouvoir rompre le jeûne. Et Kadalika, celui qui est Majnoun. Kadalika, c'est une cause qui lui permet de rompre le jeûne. Celui qui n'a pas atteint l'âge de la distinction et l'akhiri. toutes ces causes-là, c'est des causes qui permettent de rompre le jeûne. Donc, ce n'est pas K4, lakin. Il y a d'autres choses qui nous prouvent que tu as totalement la capacité, avec ces causes-là, de pouvoir rompre le jeûne. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas que 4 choses, lakin. Il y en a un peu plus. قال رحمه الله تعالى ويجب على المسلم تعيين نيتي نعم يجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر il nous dit donc il incombe à tout musulman dans les jeûnes qui sont obligatoires comme c'est le cas de Ramadan, les jeûnes d'expiation comme c'est le cas de celui qui dit que sa femme est comme le dos de sa mère ou bien celui qui a consommé les rapports pendant les journées de Ramadan et n'a pas la capacité d'affranchir le siyam il est wajib alayhim. Donc ces personnes-là qui veulent rattraper ces siyams-là, ou bien qui a fait un vœu et tout, ces personnes-là, ils doivent jeûner, ou plutôt mettre la niya avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, ou plutôt avant que le lobe se lève, comme on a pu le voir, au début du cours. « قَالَ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُمْ مِنْ رَمَضَانِ أَوْ قَضَائِهِ أَوْ يَصُمْ نَذَرًا أَوْ كَفَّارًا » Donc il nous dit, ceci passe par ce qu'il intentionne de jeûner, soit Ramadan, ou bien le jour qu'il doit rattraper, qui est wajib alayhi, ou bien le vœu qu'il doit faire, ou plutôt le vœu qu'il doit accomplir, tamam, ou bien l'expiation. Donc toutes ces choses-là, il doit mettre la niya. Et il doit différencier par ses intentions ces actes-là. Car celui qui a un jeûne, parce qu'il a fait un vœu, et il veut jeûner un mois qu'il a loupé pendant Ramadan, si jamais il met l'intention de jeûner un jour qu'il a loupé pendant Ramadan, ça va pas, il n'aura pas à libérer sa conscience sur le jeûne qu'il a fait par rapport au vœu, parce que les œuvres sont leur intention. Donc il faut intentionner la chose que tu veux. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, et sera rétribué par rapport à ses intentions. Même si jamais tu intentionnes de rattraper le mois un jour de Ramadan, tu seras récompensé par rapport à cela, et non pas par rapport au fait que tu as jeûné un jeûne dans lequel tu as fait un vœu. قال لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وعن عائشة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له الحديث ينبتو يعني الإيدي كي لايتي رابورتي par Abu Dawood Ahmed النسائي ودارقطني il nous dit que tous les rapporteurs sont des personnes qui sont qualifiées d'un qualificatif qui rend authentique le hadith. Donc le premier d'allié c'est إنما الأعمال بالنيات, les actes selon leur intention, comme on a pu le voir, le siyam il commence de quoi? À partir de l'aube. Donc si jamais tu intentionnes après le lever de l'aube, t'as pas intentionné le siyam, parce que le siyam il commence avant. Et l'acte, l'intention, elle doit précéder l'acte. Et il nous dit qu'à lesquels, après le hadith de Aïcha, il dit marfou'an, ça veut dire qu'il est attribué, lorsqu'ils disent le ulama marfou'an, c'est-à-dire que c'est un sens conventionnel qu'ils ont utilisé les ulama du hadith pour dire que le hadith il est attribué au prophète. C'est comme si elle avait dit an Aïcha qala nabi sallallahu alayhi wa sallam kada wa kada, marfou'an, et ça a été attribué et levé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin le hadith il est mawquf, c'est-à-dire que dans le sens conventionnel des gens du hadith, c'est-à-dire que le hadith il est attribué à Aïcha et non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais kadhalika Hafsa kadhalika a porté ce hadith qui dit que man lam yubayyit as-siyam qabla tulu' al-fajr fala siyam lah, celui qui n'a pas intentionné de jeûner avant le lever de l'aube, son siyam il est annulé. Ce hadith là c'est pas un hadith, lakin c'est un athar de Aïcha et de kadhalika de Hafsa. Ils sont authentiques, lakin ils sont pas attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin c'est ma'ruf et c'est l'avis de la majorité des savants que la personne doit intentionner avant le lever de l'aube, car l'œuvre selon les intentions et l'acte du siyam il commence à partir du lever de l'aube. قال فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل ومن نوى أصوم النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه. Il dit celui يعني donc c'est obligé d'intentionner dans le siyam qui est une obligation que tu le fasses pendant la nuit, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Et si jamais tu fais cela après que le soleil plutôt que l'aube il s'est levé, si tu fais cela après que l'aube s'est levée, il nous dit comme c'est le cas de la personne qui s'est levée et qui n'a rien mangé après le fajr. Il n'avait pas l'intention. Il s'est levé après que l'aube s'est levée et il n'a pas intentionné de jeûner. Ce siyam-là qui lui est obligatoire de rattraper ou bien un vœu et l'akhiri, il dit son jeûne, son siyam ne sera pas accepté parce qu'il n'a pas eu l'intention avant le lever du soleil. Il dit ça, Yanni, ça ne sera pas accepté. Excepté dans, il nous dit, dans le siyam qui est tatawwa, dans le siyam qui est quoi? Surérogatoire. C'est-à-dire que si jamais, même si tu n'avais pas l'intention de jeûner avant la levée de l'aube et ensuite pendant la journée, tu as vu qu'il était mieux pour toi de jeûner, à partir de ce moment-là, tu peux. Pour les jeûnes qui sont sur l'obligatoire, tu peux jeûner à partir du moment où tu as mis la niya. À partir du moment où tu as mis la niya. Avec la condition que tu n'aies pas mangé avant cela. Et la preuve qui nous prouve cela, est-ce qu'il a évoqué ou pas, Cheikh? Non, mais il a évoqué, donc on va le lire après. Qala, fala yan'aqid bi niyati min an-nahar. لأن جميع النهار يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. Il nous dit, pour le siam qui est wajib, tu ne peux pas avoir intentionné après que la journée se soit levée, car le jeûne, il commence pour toi, il est obligatoire à partir de quoi? À partir du lever, de l'aube. Donc, à partir de ce moment-là, il est obligatoire. Si jamais tu as loupé ne serait-ce qu'une minute, c'est-à-dire que tu as loupé une minute de ton obligation dans laquelle tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, c'est comme si jamais ton adoration elle était nulle. Pourquoi? Parce qu'il manque une minute dans l'adoration. Et cette minute dans l'adoration-là, il a faux et tu ne peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Donc, tu es obligé de recommencer un autre jour. Celui qui fait un jeûne surrogatoire, il peut le faire à partir de la journée. Il dit, hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qalat, dakhala alayya nabi sallallahu alayhi wa sallam, zata yawmin, faqala hal indakum min shay. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers Aïcha, il lui a demandé, avez-vous quelque chose à manger? فقالت عائشة فقال فقلنا لا قال فإني إذا صائم. Le prophète a dit, ou plutôt Aïcha a dit, qu'on n'a rien pour toi, et il a dit donc je suis jeûneur. Et ce hadith là il a été rapporté, comme il dit, rawahu al-jama'a et al-Bukhari, donc rapporté par Muslim. Al-jama'a, il veut dire par là l'imam Ahmed et les Abu Dawud et Tirmidhi et al-Nasai et Ibn Majah, excepté al-Bukhari, excepté al-Bukhari. قال وفي الحديث أنه كان مفطرا لأنه طلب طعاما. Il est dans ce hadith là que le prophète sallam il n'était pas jeûneur. Qu'est-ce qui est compris par muftiran? C'est qu'il n'avait pas intentionné de jeûner. Car si le prophète sallam il avait déjà jeûné, il n'aurait pas dit avez-vous une chose, y a-t-il un repas chez vous? Il n'aurait pas dit cela. Nabi sallam il aurait continué son jeûne. Car il nous dit laystuka hayatikum. Inni abitu yud'imuni rabbi wa yusqini. Il dit moi j'ai une particularité par rapport à vous, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala me nourrit et me donne à manger, me nourrit et m'hydrate. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il donne une force afin que un Nabi sallam il accomplisse les œuvres qu'il fait. Donc si jamais il aurait été jeûneur, il n'aurait pas dit cela. Et ce qui nous prouve encore cela, c'est qu'il a dit inni idan sa'im. Donc je vais jeûner. Ceci nous prouve qu'il n'était pas jeûneur, comme l'a dit Cheikh. Lorsqu'il dit fi annahu kana muftiran, c'est-à-dire qu'il n'était pas jeûneur, il n'avait pas intention de jeûner, mais ça ne veut pas dire qu'il avait mangé. Qala fi al-hadith annahu kana muftiran li'annahu talaba ta'aman. Wa fihi dalil 'ala jawaz ta'khir niyyati as-sawm idha kana tatawwu'an fatuhassasa bihi al-adillatu al-mani'a. Il dit donc dans ce hadith-là, il y a une preuve qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas jeûneur, c'est-à-dire qu'il n'avait rien mangé, il n'avait pas intentionné de jeûner avant l'aube. Mais malgré cela, il a intentionné le jeûne dans la journée en disant « donc je suis jeûneur ». C'est-à-dire qu'il a pris en compte ce qu'a dit Aïcha pour dire qu'il est jeûneur. C'était une cause. Quelle est la cause de son jeûne? C'est qu'il n'a rien trouvé à manger, donc il a dit « autant jeûner alors ». Autant jeûner, ça c'est l'avis de la majorité des savants, comme l'a évoqué Cheikh Mohamed al-Hizam, et kadalika Cheikh al-Islam al-Taymiyyah, il nous dit le fait que Nabi Sallam a dit Inni idan sa'im, et dans une autre riwaya, idan asum, donc je commence à jeûner. Donc tout ça nous prouve qu'il n'était pas jeûneur avant cela, mais ça ne veut pas dire qu'il avait mangé avant cela. Donc il dit Cheikh que tous les dalils qui nous prouvent, comme c'est le cas avec les athars qu'il a évoqués avant, et namal amalu bin niyat, tous les hadiths et toutes les preuves qui nous prouvent qu'il faut que tu intentionnes de jeûner avant l'aube, il nous dit qu'elle est restreinte, ces textes-là, ils sont restreints par rapport à ce hadith-là, dans lequel Nabi Sallam, il a intentionné le jeûne en pleine journée. قَالَ فَشَرْتُ سِحَّةِ صَوْمِ النَّفْلِ بِنِيَّةِ مِنَ النَّهَارِ أَنْ لَا يُجَلْ قَبَلَ النِّيَّةِ مُنَافِلْ لِسِيَامِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِمَا. Il dit, à partir de quel moment il est possible à la personne d'intentionner dans le jeûne surrogatoire, de pouvoir le jeûner, de l'intentionner en pleine journée, à partir du moment qu'il ne s'est pas adonné aux choses qui annulent le siam, comme c'est le cas de la boisson ou bien la nourriture ou bien les choses qui annulent le siam, comme on a pu le voir avec le fait de consommer, même s'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, là qu'il l'a consommé, le rapport avant, après l'aube. Eh bien, ça c'est une cause qui ne peut pas intentionner de pouvoir jeûner en pleine journée, même si jamais il n'a pas mangé ou il n'a pas bu dans les siyams qui sont surrogatoires. Donc c'est avec la condition qu'il n'a pas fait au préalable une chose qui annule le siyam. قَلَ فِنْ فَعَلَ قَبْلَ النِّيَّةِ مَا يُفَتِّرُهُ لَمْ يَصِحْ الصيام بغير خلاف. Il nous dit, أما si jamais il a mangé avant cela, et bien son siyam, ou plutôt son intention, ne sera pas valable. Son intention ne sera pas valable, car il a ici à donner une chose qui annule le siyam. Et sur ce, inshallah, alhamdulillah, نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات. En espérant qu'inch'Allah, ce petit voyage dans ce livre de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala vous a été profitable, afin que inch'Allah ce soit une cause pour jeûner ce mois de Ramadan à venir, inch'Allah, à la lumière du Kitab de la Sunnah, et avec la compréhension, inch'Allah, qui est juste, afin qu'Allah Azza wa Jal, il accepte ce siyam-là, cette grande œuvre qui a le, pour fruit la taqwa, la piété d'Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc dans ce jeûne là il y a une cause pour venir, ou pour plutôt yani franchir le pas des muttaqin. بارك الله فيكم. En espérant que ce cours soit profitable pour vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte notre siyam inshallah tabarak wa ta'ala. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج افاخ.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.